cette voix m'emporte. Quand je l'entends, du pour la première fois, première phrase, ma main droite tremble, j'ai besoin d'air de grâce. Grave, grave, et sur le bitume, normal qu'on laisse des traces. Rien qu'à train, une page, pense qu'à trace. Mais c'est pas, ça me rattrape. Tac, dès le bas âge, je rate la feuille depuis que je marche. Froid, percé par des mélodies, j'entends des fois, je vois des images. Radé le décor, ambiance macabre. Bas de gamme, garde un fier, ça parle mal. Reste à l'écart, gage canard. Je fracasse leur barrage et la dalle. Ça me scarde et clore comme Mike, on arrache. On vit dans un monde cafard. Je dévague sur des vibes, art, pas cram, mais non. Comme ce graffeur sortant son fat cap, t'as capté. Par tous les moyens, se dénonce des tas de crasse. Moi, je vais aller mieux, que faut-il faire? Quand je fais un massacre, quand je fais un massacre, quand je fais un massacre. Et de toute façon, l'âme, il retient le blaze, on m'a c'est carnage. Et de toute façon, l'âme, il retient le blaze, on m'a c'est carnage. Eh, je me lasse pas et que c'est l'habitude. Compte plus les fois je titube, j'attends de prendre de l'altitude. Pour moment je dégrale bitume, j'avoue que j'ai pas la vie saine. Habitué à lécher la vitrine, partout y'a la milice qui m'attrapera si je triche. J'entends la voix de la tristesse, dès que j'ouvre les yeux elle vient me souffler. Des petits mots tendancieux, chaque jour plus fort depuis que je suis mouflé. Je vois les potos qui m'oublient, j'encaisse pépère la blague. J'ai le cœur congelé, attends la femme qui saura faire fondre la glace. Wesh les frères du fond de la classe, ça dit quoi depuis l'époque? T'évites pas tous les pics, la vie peut te casser les côtes. L'avenir c'est sélectif. Je tourne en rond jusqu'à m'en arracher les tifs. Je trouve pas ma place dans la fraise, dans mon crâne j'entends des phrases. Et quand je regarde ma race dans le miroir, j'ai des pensées macabres, presque plus l'envie de croire. Enfin je traîne ma gueule à gauche à droite. J'entends le bruit des gauvages traces en ville tête basse. Sac la feuille avec qui je bavarde. Mon équipe c'est de la baisse, mais le côté de la base. Tourne pas la page, même sans chance qui vient faire la bise. Tu vois les bails, j'espère que tu vois les bails. S-A-M-1. J'entends que la voix s'élève et ça me hante avant le réveil. Je vois que tes bras se lèvent quand t'entends que je rappe mes séquelles. Cette voix ne me lâche pas, de temps en temps je la combats. Au contact de cette vibration, mes tympans froids. Ce n'est pas suffisant de l'entendre, faut l'écouter pour la comprendre. Faire des couplets pour me détendre, la coupe est pleine depuis trop longtemps. Maintenant je fais pote avec elle, je dors avec elle. Je suis pas la voix de mon cœur mais celle de ma tête. Le peu de sentiments, cette voix en dit long. Dans mon crâne c'est bruyant, du lundi au dimanche j'en écris des brouillons. Tant que je me débrouille pour pas péter un câble. Inimitable, voix du diable. Car c'est de la sagesse, a reçu des tartes. Ma voix s'élève, ma rime se réveille quand elle sommeillait. Je suis ni prof ni élève, moi je n'ai rien de bien à t'enseigner. À part qu'enchaîne quand je peine à avancer. Scar mon enseigne à l'ancienne, je continue car je suis lancé. Scar, ma voix me parle un peu trop tous les jours, faut que je m'en sépare. Scar, la voix me parle un peu trop tous les jours, faut que je m'en sépare.